The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Coucou à tous! Et nous sommes en direct, hein. Il est l'heure pour vous de vous installer confortablement dans la bulle aujourd'hui pour voyager avec nous. J'accueille Patrick Lab de l'association Les Amis des Lévriers qui prend place avec nous dans la bulle. Patrick, bonjour. Bonjour Lia, bonjour chers auditeurs. Comment ça va? Ben ça va bien, merci. Je tiens déjà à vous remercier donc de votre invitation. Ben c'est moi qui vous remercie. Nous allons parler d'un sujet important, pour ne pas dire grave, donc tout ce qui tourne autour du monde du lévrier. C'est ça, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Alors nous nous sommes rencontrés au sein du Festival des Imaginales en mai dernier et j'ai pu avoir la grande chance de vous rencontrer, vous, votre équipe également, et puis ces superbes animaux que sont les lévriers, appelés aussi le fils du vent, hein ? Tout à fait. On les appelle les fils du vent. Il suffit de les voir courir pour s'apercevoir que, bien sûr, c'est leur grande passion, la course, la chasse. Un lévrier, c'est 10 à 15 mètres par seconde. Ah oui, quand même. Alors, j'ai recueilli ces informations sur Internet. On mettra bien sûr le lien de ce site Internet pour nos auditeurs, pour qu'ils en sachent un petit peu plus. Mais on va déjà bien en parler aujourd'hui avec vous. Alors, le siège de l'association, il se trouve à Épinal. Voilà, donc nous sommes basés à Épinal, rue des Corvées prolongées. D'accord. Donc nous avons créé cette association en juillet 2011. D'accord, alors qui a créé cette association? Qui a l'initiative de cette création? Alors, un groupe d'amis, un groupe de passionnés, un groupe d'adoptants de lévriers. Donc nous avons souhaité nous regrouper pour apporter surtout un après-adoption. D'accord. Parce qu'une adoption, c'est une très belle chose, une très bonne chose. Maintenant, se retrouver seul avec son lévrier sans pas forcément savoir comment s'y prendre, le fait de se fédérer, on va dire, de créer cette association permet de nombreuses rencontres. Eh ben oui, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de bénévoles là au sein de cette association? Oui, donc petit à petit, chaque année, de nouvelles personnes viennent nous rejoindre, attirées par ce que nous faisons, parce que l'association Les Amis des Lévriers, outre ses sorties et ses rencontres, va proposer diverses animations. Donc nous regroupons aujourd'hui une soixantaine d'adhérents. Avec un total de 45 lévriers. Ah oui, d'accord. Ces adhérents, ce sont tous des personnes, toutes des personnes qui ont à un moment donné adopté un lévrier. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sentent concernées sans avoir adopté? Est-ce possible? Alors, bien sûr, au départ, des adoptants de lévriers, et ces personnes vont venir de tout le Grand Est, puisque nous avons des adoptants près de la frontière du Luxembourg, comme nous en avons également à la frontière suisse. Ah oui. Voilà, donc bien sûr les personnes qui souhaitent faire du bénévolat venir nous rejoindre parce que ça devient maintenant une petite entreprise. Oui, hein, oui, même oui, si c'est association loi 1901. Donc oui, tout le monde est le bienvenu pour venir soutenir et aider l'association. Ah ben c'est super. Alors il y a plusieurs missions au sein de cette association. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, au départ, il faut savoir que pourquoi le lévrier, donc pourquoi avoir créé cette association? Parce qu'il y a une quinzaine d'années, sur une émission de télévision, mon épouse et moi-même donc voyons un reportage sur des exactions, le terme n'est pas trop fort, mais des maltraitances horribles sur des lévriers. Oui. Dans un pays limitrophe de la France, qui n'est pourtant pas un pays sous-développé, mais qui a des pratiques traditionnelles assez barbares. Oui. Donc voilà, donc nous décidons, parce que nous sommes des militants de longue date sur la défense animale, donc nous allons contacter un délégué local pour savoir comment on peut aider, comment on peut nous-mêmes adopter un lévrier. D'accord. Alors un lévrier, pour beaucoup de personnes, c'est pas le chien vers lequel on va systématiquement. C'est sûr. C'est on entend toujours, mais qu'est-ce qu'il est maigre ce chien. Oui, oui. Et puis plein d'a priori, c'est un chien bête, c'est un chien qui n'a pas d'instinct. Ah bon? Enfin, voilà. Donc tout ça, nous allons tordre le cou à toutes ces idées-là. Et puis nous allons donc se rapprocher de cette personne qui vient à la maison avec un beau grand lévrier noir en nous disant, ben écoutez, vous avez fait une demande d'adoption, là je vais sur l'Alsace faire adopter ce magnifique toutou. Oui. Et je repasserai ce soir et on remplira un formulaire de demande d'adoption. D'accord. Voilà. Et puis le soir même, assez tard, le monsieur revient avec ce même chien. Ah. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit une adoption, ça ne se fait pas comme ça. On ne confie pas un chien comme ça, sans être péjoratif, hein, à n'importe qui. C'est ça. Et il revient à l'adoption. D'accord. Alors, c'est le coup de foudre. Il nous tape dans l'œil, mon épouse et moi-même. Moreau, il s'appelait. D'accord. Hein, drôle de nom, mais il faut savoir qu'en Espagne, tous les noms des mâles se terminent par O. D'accord. Et tous les noms des femelles se terminent par A. D'accord. Donc, voilà. Et notre Moreau devient partie de notre famille. Waouh. Voilà. Et de fil en aiguille, d'autres lévriers sont venus rejoindre notre famille. C'est vraiment une famille. D'accord. Parce que c'est des êtres à part entière de la famille. Et puis, nous voulons qu'il y ait un après-adoption. Et là, nous allons nous regrouper entre amis, adoptants de lévriers, pour créer, donc, en juillet 2011, l'association Les Amis des Lévriers. C'est chouette. Est-ce que c'est vous qui avez un petit peu passé le message en adoptant Moreau auprès de vos amis, ou est-ce qu'eux étaient déjà sensibles à cette cause ? Alors, on va dire que la connaissance de ce phénomène de maltraitance, en Espagne, hein, citons-la, va faire que d'autres personnes, individuellement, vont adopter. Alors, les adoptions de l'époque, il y a 15 ans, c'était beaucoup d'amateurisme et de bricolage. Et hein. Oui. Voilà, les personnes allaient elles-mêmes jusqu'en Andalousie, parce que c'est là surtout que le problème était localisé, était oui. important. Donc, vont aller chercher des chiens. Maintenant, il faut se structurer, il faut se fédérer, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et oui, voilà. C'est sûr. Donc, c'est seulement 5 personnes au départ, l'association. Hein. Donc, c'est vraiment la petite association de quartier, on va dire. D'accord. Hein. Voilà. Et puis, on est un peu juste dans notre costume, c'est le cas de le dire. On a dit, mais il faut qu'on fasse autre chose, il faut qu'on porte la bonne parole. Il faut que bon nombre de personnes soient informées de ces maltraitances. C'est vrai. Donc, voilà. Et puis, de simples adoptant. À un moment donné, le monsieur que nous avions contacté au départ, pris par des raisons professionnelles, puisqu'il travaille dans la restauration, va avoir des difficultés pour aller aux rencontres des personnes et tout ça. Donc, à un moment donné, je prends donc la succession. Voilà. Donc, je deviens délégué donc pour une association. Voilà, donc le monde associatif, hein, c'est pardonnez-moi l'expression, mais c'est pas non plus le monde des bisounours. Hein. Ah ben non. Donc voilà, alors c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a foultitude, si je peux employer le terme, donc d'associations. Oui. Alors tout part d'un bon sentiment, hein, sauver un maximum d'animaux. Oui. Mais derrière, comment il faut quand même avoir la fibre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut faire attention. Hein. On parle quand même d'êtres vivants. Sûr, les lévriers sont des chiens, des animaux, des êtres à part entière. On ne fait pas n'importe quoi. Hein, sous prétexte de vouloir les sauver, on ne fait pas n'importe quoi. Vous êtes venu à en adopter combien, du coup, des lévriers, vous ? Alors, personnellement, 4. D'accord. Voilà. Donc, c'est du chien de meute. Hein. C'est du chien qui se recherche. D'ailleurs, ils adorent être entre eux. Quand des chiens ne se voient pas des fois pendant plusieurs semaines, quand ils se retrouvent, c'est des effusions, on n'en peut plus faire. Donc voilà, ils sont vraiment chouette. À se rechercher. Et quant à l'association, ben, il faut savoir que la plupart des adoptants ont 2, voire 3 ou 4 lévriers. Et oui, ils sont conquis après. Tout à fait. Ils sont conquis. D'ailleurs, 80% des adoptants vont craquer pour un second lévrier avant moins d'un an. Eh oui, on va retracer un petit peu tout ça. Et puis, comment on peut aussi venir en aide et adopter, pourquoi pas, un lévrier sous certaines conditions. Une des missions de l'association, c'est aussi de relever un peu cette présence du lévrier dans l'histoire, dans notre histoire. Vous présentez cette histoire, parce que le lévrier, il existe depuis très très longtemps. Est-ce qu'on peut en avoir un bout de cette histoire ensemble avec vous aujourd'hui ? Bien sûr, bien entendu. Donc, deux grandes périodes de la présence du lévrier dans l'histoire, c'est déjà l'Égypte ancienne. D'accord. Pourquoi l'Égypte ancienne ? Et là, on en a la certitude, parce que dans les mastabas, dans les pyramides, il était trouvé dans les tombeaux des squelettes et des momies de lévriers. Ah oui. Et on sait que c'est du lévrier, parce que cette morphologie particulière, oui, notamment au niveau des côtes, au niveau du poitrail, fait qu'on sait que c'est un lévrier. D'ailleurs, on peut trouver des représentations et même une momie de Saluki, donc qui est une des types de lévrier. Donc, dans le musée du Caire, au musée du Caire. Ah oui. Voilà. Donc, 5000 ans avant Jésus-Christ, on trouvait déjà présence du lévrier. D'accord. Et puis, il suffit de regarder cette position prise par nos fidèles toutous, les pattes en avant, la représentation du sphinx. Oui, oui, de toute façon, oui, oui. Voilà. Et Anubis, qui est donné comme étant un chacal, quand on regarde bien, c'est surtout beaucoup, beaucoup du lévrier. D'accord. Voilà. Donc, cette très longue période va être une période d'honneur aussi pour le lévrier, parce que, comme au Moyen-Âge par la suite, posséder un lévrier, c'est un signe extérieur de richesse. D'accord. Voilà. Donc, l'Empire romain va beaucoup aussi mettre en avant le lévrier, parce que les Gaulois sont les meilleurs veneurs de l'Empire romain. D'accord. Voilà. Donc, il existait même à l'époque de races, de types de lévriers français qui aujourd'hui, malheureusement, ont disparu. Comment vous avez retracé un petit peu toute cette histoire ? Vous avez fait des recherches de par justement ce coup de foudre que vous avez eu avec ces lévriers ? Oui, donc les recherches, bien sûr, on a un très bel outil aujourd'hui qui est Internet. Maintenant, chercher l'information, c'est une chose. La trouver, c'en est une autre. Et il faut surtout la vérifier. Et oui. Voilà, parce que on trouve de tout aussi sur Internet. Donc ces recherches nous ont pris des années. Oui. Des années, et puis, alors il fallait à un moment donné ne pas s'étaler, il fallait pas non plus partir dans toutes les directions, tout azimut, il fallait cibler une période. Et puis comme nous étions aussi passionnés de Moyen-Âge. D'accord. Donc là, toutes les recherches ont été concentrées sur le Moyen-Âge. Alors là, le Moyen-Âge, c'est 1048 années exactement pour cette période dite du Moyen-Âge. Et donc, depuis Mérové jusque Louis XI, nous avons fait donc toutes ces recherches. Alors c'est vrai que le lévrier, il suffit de regarder une peinture, une mosaïque, une sculpture. Dans un tableau, vous voyez tout de suite la représentation d'un lévrier. Alors pourquoi ? Parce que s'il était au départ le chien d'agrément de ces dames, il était également le chien de chasse. Et oui. Mais également le chien de guerre. Il a été utilisé pour la guerre. D'accord, ok. Voilà. De par sa rapidité, j'imagine ? De par sa rapidité, puis il leur était attaché autour du cou, des piques, des lames, et ils étaient envoyés sur les chevaux de l'ennemi pour défaire les cavaliers. Les pauvres. Ouais, oui, malheureusement. D'accord. Il leur était aussi, alors on ne leur demandait pas leur avis, mais il leur était enfilé dans la gorge des tubes avec des messages. Et de par leur rapidité, oui justement, ils traversaient les lignes ennemies. Et par contre, l'histoire ne dit pas comment les messages étaient récupérés. Ah oui, ça commençait déjà un peu mal pour eux. On peut aussi trouver au sein de certaines de vos animations, dont on parlera tout à l'heure, des expositions justement où on peut retracer un petit peu cette histoire. Tout à fait. Donc c'est un point d'orgue que nous avons fait. Donc quand nous présentons des manifestations, des animations, donc nous avons une exposition qui s'appelle Le Lévrier, l'art et l'histoire, oui, où nous allons donc toucher à tous ces points, sculpture, mosaïque, peinture, une belle exposition aussi par rapport à l'héraldique. D'accord. Parce que bien sûr, le lévrier était aussi très présent au niveau des écussons, au niveau des blasons. Parce que c'est courage et fidélité, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait le lévrier dans toute sa splendeur. Ah oui. Sa splendeur. D'ailleurs, cette fidélité lui porte préjudice pour ses maltraitants, on y reviendra oui. plus tard. Voilà, donc posséder un lévrier, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un signe extérieur de richesse, et il n'était pas rare que certains seigneurs possédaient jusqu'à 1000 lévriers. Ouf, ah oui, quand même. Oui. Quand oui. même. Oui. Donc il y avait beaucoup plus de lévriers à l'époque qu'aujourd'hui, ou oui. est-ce qu'il y en a encore beaucoup là en ce moment? Oui, alors oui, à l'époque du Moyen Âge, il y avait énormément de lévriers, et après c'était selon, on va dire, les humeurs des rois et des seigneurs en place. Certains avaient une attirance pour le lévrier, pour la chasse. Et puis d'autres, alors après on n'est plus dans le Moyen-Âge, mais par exemple vous prenez Louis XIV, lui pour sa gloire personnelle, il fallait que ce soit ses chiens à lui, donc il ne voulait plus des lévriers. D'accord. Il voulait du chien courant, courant dans oui, le sens... Oui, oui. Oui, c'était un peu selon la mode, entre guillemets. Selon la mode, et puis bon, il faut savoir aussi que dans l'histoire, certains ont pesé énormément, ce sont les ecclésiastiques. D'accord. Voilà. Alors, les ecclésiastiques, pourquoi ? Parce que pour l'Église, c'était des émanations du diable. Le lévrier D'accord. était une émanation du diable. Aïe. Alors, pourquoi ? Donc, là, d'où nos recherches également, pourquoi ces ecclésiastiques ont voulu faire disparaître le lévrier ? Et on a trouvé que pendant que les seigneurs étaient à la chasse avec leurs lévriers, oui. Ils n'étaient pas à l'église. Aïe. Et ils ne donnaient pas d'obol. Ah bah voilà. Voilà, donc il fallait accuser le chien de tous les maux. Encore une histoire d'argent. Encore une histoire d'argent. C'est fou. Mais le paradoxe, c'est qu'à la fin du Moyen-Âge, ces mêmes ecclésiastiques qui eux aussi ont pris goût à la chasse, ont tout fait pour réintroduire le lévrier. Ah bah d'accord. Voilà, la boucle est bouclée. Bah voilà, la boucle est bouclée, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors si vous le voulez bien, avant d'en savoir plus et de continuer sur ce sujet passionnant qu'est le lévrier et toute son histoire, mais pas que, on va aborder différents sujets, dont la maltraitance qu'ils subissent encore aujourd'hui malheureusement. On se lance dans une première bulle de son avec tout simplement un son égyptienne musique, et on va retracer un petit peu, on va passer... d'Égypte au médiéval à l'ère plus actuelle. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Nous sommes toujours ensemble aujourd'hui dans la bulle avec notre invité Patrick qui vient nous parler de l'association Les Amis des Lévriers dont il est le président, association créée déjà depuis 2011. J'espère qu'un beau parcours déjà pour cette association a été effectué avec de nombreux animaux maintenant bien pris en main. Oui, bien sûr, parce que de 5 personnes au départ avec 5 chiens, 5 lévriers. Oui. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous regroupons 60 adhérents et 45 chiens. Et ça, c'est chouette. Encore de nouvelles adhésions en perspective. Le but n'est pas de faire du nombre, entendu, mais faire de la qualité. Et voilà, donc ces rencontres, ces retrouvailles diverses, c'est le grand plaisir pour les chiens, mais c'est aussi le grand plaisir pour les maîtres. Ah ben oui, ça c'est sûr, j'imagine. Alors, courage et fidélité, ça c'est vraiment les traits que l'on retrouve chez ces lévriers, les traits présents à travers l'histoire, mais aussi de grands chasseurs, comme vous nous l'aviez dit tout à l'heure. Vous nous disiez en off 40% de taux de réussite à la chasse pour ces chiens. Donc déjà le monde du lévrier c'est 45 types de lévriers différents. Oui. On parle pas de race puisque la race c'est le lévrier. Oui. Après c'est décliné en différents types. D'accord. Mais seulement 13 sont reconnus par la charte internationale. D'accord. Comme étant des souches primitives. Ok. Les autres c'est plus des chiens qui vont être issus de croisements parce qu'un jour dans un pays on a voulu un chien plus rapide, un chien plus poilu pour résister au D'accord. froid, un chien plus petit pour aller dans les taillis, pour les puristes, on va dire, 13 races officielles reconnues. D'accord. On va trouver de tout, du chien de garde, du chien de chasse, du chien d'agrément, du chien de course. Eh oui. Voilà, donc et justement, comment un jour il en est venu à... Enfin, il a été voué, ce lévrier, à devoir faire de la course. C'est quand même une grande partie de cette forme de maltraitance qu'il subit aujourd'hui encore. Oui, alors aujourd'hui, on peut cibler deux types de maltraitance qui sont les courses. Oui. Les courses. Et souvent, je voudrais mettre l'accent là-dessus pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Que l'on nous taxe d'être des maltraitants parce que l'on fait courir nos lévriers. D'accord. Alors que le lévrier, c'est l'instinct. Oui. Il faut voir le plaisir qu'ils ont à se retrouver, rien qu'à voir charger le matériel dans la voiture, et c'est la folie. Oui. Bon, ils adorent ça. Voilà, nous, c'est vraiment du plaisir, du loisir, il n'y a pas de compétition. D'accord. Même s'il existe des compétitions officielles en France, c'est très encadré, et c'est une bonne chose. Contrairement aux pays anglo-saxons, d'accord. Où là on peut parler aussi de maltraitance parce que les chiens, pour le profit, pour le rapport, pour l'argent, ils vont les doper, ils vont les piquer, ils vont les forcer à courir sur des cynodromes. Tout le monde a vu un jour une course de lévrier sur cet anneau métallique où un lapin, un faux lapin, court et les chiens derrière. Donc le conditionnement, parce que c'est bien du conditionnement dans des cages, c'est horrible. Et puis surtout cette maltraitance par le dopage qui fait que derrière vous récupérez des chiens qui à l'âge de 5 ans, 6 ans sont complètement laminés. Quoi. Oui. Voilà. Donc ça c'est une forme de maltraitance également. Et autrement, le lévrier qui a vraiment toutes les facultés, qui est adapté donc, pour faire de la chasse. Donc là, c'est la deuxième partie au niveau de la maltraitance, parce que quand la chasse est bien faite, entre guillemets, je vais peut-être heurter certaines personnes, mais en France, par exemple, il y a quand même l'amour de l'animal, l'amour du chien, le chien, il est considéré, alors que dans certains pays, c'est l'exploitation du chien. D'accord. Voilà, c'est possible encore, en 2018, de pouvoir maltraiter des animaux comme ça? C'est incroyable. Et oui. On est au 21e siècle, et pourtant, il y a ces maltraitances, parce que le lévrier est un outil de travail, il doit rapporter. Alors, il est tellement bon à la chasse, oui, effectivement, il a un taux de réussite de 40%, c'est-à-dire que pratiquement une fois sur deux, il va revenir avec le gibier. Et tout un chacun, adoptant de lévrier, a eu un jour à se poser la question, mon chien est parti, mon chien a fugué, il est parti à la chasse, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc oui, ce taux de réussite va faire que quasiment tous les pays, pour pas dire tous les pays d'Europe, en ce qui nous concerne, vont interdire de chasser avec des lévriers. D'accord. C'est une loi Napoléon en France, hein, elle date de 1844. D'accord. Donc, où il est interdit de chasser avec des lévriers. D'accord. Voilà, parce que ce sont des destructeurs de faune. Oui. Oui, effectivement, quand au Moyen-Âge, certains seigneurs sont arrivés en France, notamment Jacques II, qui était le roi d'Irlande, est venu se réfugier en France avec ses troupes, mais il avait également 20 000 lévriers avec lui. Oula. Donc vous imaginez que dans les forêts tout autour de Paris, il n'y avait plus de gibier. Ah ben non. Donc voilà, quand on dit du lévrier que c'est un destructeur de faune, oui. C'est oui. Vrai. Donc on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. L'espérance de vie du lévrier qui est maltraité, que ce soit pour la course ou pour les, voilà, sur d'autres sujets dont vous venez de nous parler, elle s'élève à combien de temps ? Alors, on va dire maltraitance ou pas, parce que bon, ils se font vraiment bien leur nouvelle vie. Et quand on les récupère, ils ont entre 3 et 5 ans. D'accord. Parce que la pratique de l'Espagne, ça va être de faire se reproduire des femelles que l'on appelle galgas. D'accord. Dans des granges, dans des lieux très sombres, très insalubres, pour faire des petits à outrance. Et je peux vous certifier, pour l'avoir vu, que dans certains refuges, vous voyez des femelles avec les mamelles qui touchent par terre tellement elles ont porté. Oh. Voilà. Donc, une fois nées, ils vont être dressés à la chasse, même si l'instinct est là, hein, parce que c'est dans les gènes, hein, chez le lévrier. Donc voilà, ils vont les faire chasser jusqu'à 3-4 ans. D'accord. Et ils pratiquent la chasse à courre. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de 40-50 chiens d'un coup sur une partie de chasse. Et après, ça devient des bouches inutiles à nourrir. Il faut s'en séparer. Et il y a cette fichue tradition qui est horrible, qui dit que toi, le chien, si tu m'as déshonoré, tu dois subir une mort lente. Oh, voilà. Quelle horreur. Donc 40 à 45 000 chiens comme ceux-ci, aujourd'hui, en Espagne, sont maltraités, torturés. Alors si on a vu changer les choses en 10 ans, c'est qu'il y a peut-être plus d'abandon que de torture, mais enfin ça ne dédouane pas pour autant. Alors comment ça se passe quand une association comme la vôtre veut sauver ses chiens? On se rend directement en Espagne, on fait comment? Comment on arrive à trouver conciliation avec ce pays par exemple? Alors si l'Espagne est très machiste, hein, a des pratiques ancestrales, il est difficile de faire changer les habitudes, parce que l'Espagne a un rapport à l'animal qui est complètement différent des autres pays. Le chien n'a pas le droit de citer, par exemple, il n'a pas le droit de rentrer dans une maison. On ne le nourrit pas, on ne le soigne pas, le chien doit se débrouiller tout seul. C'est pour ça qu'il va rester un voleur toute sa vie. D'accord. Parce qu'il doit se nourrir par lui-même. Donc les chiens là-bas, comme d'autres animaux, hein, puisque les ânes qui sont battus dans les rues, ce sont des fêtes religieuses. Les taureaux, bien sûr, la corrida, bien entendu. Et puis également les jetées de chèvres du haut des clochers des églises. Oh là là. C'est une régénérescence de l'âme. Voilà, donc il y a encore dans certains coins reculés des pratiques lamentables. Et puis, politiquement, rien ne bouge, quoi. Donc oui, on sait que ça existe, c'est dans des coins reculés. Bien sûr, on ne veut pas faire une loi trop draconienne, parce que c'est quand même des électeurs en puissance. Mmh. Voilà. D'accord. Donc une fois que vous voulez aider ces chiens, vous vous rendez là-bas? Voilà, donc après, chacun sa pratique, parce que si nous avons tous le même but, sauver un maximum de chiens, tout le monde n'a pas la même façon de procéder, n'a pas forcément les mêmes moyens. C'est pour ça qu'il est toujours conseillé de se rapprocher plutôt d'une association qui a déjà cette expérience. Et donc certaines personnes ou petites associations vont directement avec leur propre véhicule, chercher les chiens. Et en échange, ils vont laisser des croquettes, des couvertures, des affaires pour D'accord. aider le refuge, parce que les refuges là-bas n'ont aucune aide, aucun soutien, aucun moyen. Quand ils peuvent avoir ne serait-ce qu'un terrain pour abriter les chiens, c'est déjà bien. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les Espagnols sont des mauvaises personnes, hein, pour ne pas employer des termes grossiers, mais il y a quand même des super personnes qui vont tout faire pour sauver un maximum de chiens. Alors, il y a un chiffre qui est donné, mais il est vérifiable. Alors, certains diront c'est exagéré, mais nous, on sait, par rapport au contact que l'on a avec les refuges et tous les chiens qu'ils placent, que ben on est sur un chiffre de 40 à 45 000 lévriers qui chaque année subissent ces exactions. Oui, malheureusement. Alors ben on tire un grand chapeau à toutes ces associations qui aident les lévriers et puis tous les animaux bien sûr qui ont besoin d'aide et puis ces associations sur place, hein, notamment en Espagne, qui doivent quand même mener une sacrée bataille au sein de leur pays. Hein. Voilà, une sacrée bataille, oui. Alors donc bien sûr ils espèrent, ils comptent beaucoup. Beaucoup sur les associations étrangères, hein, notamment la France, l'Allemagne, la Belgique, qui sont très très investis dans le sauvetage. Oui. Et donc, une fois contact pris avec ces refuges, nous dans notre association, le refuge se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Madrid. D'accord. Parce que le problème, c'est que ça ne touche plus uniquement l'Andalousie, mais ça commence à toucher toutes les régions d'Espagne. D'accord. Voilà. Alors, pas plus de chiens au total. Mais disons que maintenant toutes les régions sont touchées. Voilà. Donc nous notre refuge partenaire donc qui se situe à Pedro Muñoz côté de Madrid, lui travaille avec plusieurs associations françaises et plusieurs associations étrangères. D'accord. Ce qui fait que ils ont investi eux-mêmes dans un véhicule de transport. Les chiens sont magnifiquement bien installés dedans. D'ailleurs, les chauffeurs, pour anecdote, nous disent toujours les chiens sont mieux derrière que nous dans la cabine. C'est bien. Voilà. Donc, cette association va tous les mois. Parce que malheureusement, est-ce bien, est-ce mal, mais tous les mois, il y a une remontée de 30 à 35 lévriers qui vont être dispatchés dans des points relais. D'accord. En ce qui nous concerne, nous, c'est Pont-à-Mousson. D'accord. Pour toute la région Est. D'accord. Donc, alors bien sûr, le voyage est long, il est pénible, il est périlleux, c'est 6 à 7 000 kilomètres à chaque fois. Ah oui. Et quand ils arrivent, nous, dans l'Est, c'est vers 3h, 4h du matin. Quoi. Et oui, là, il faut être en forme. Il faut être en forme, et voilà. Et puis après, le plus grand de nos plaisirs, c'est de voir les yeux qui pétillent, les gens, le grand sourire, quand on leur apporte leur lévrier. Quoi. Ah donc oui. Ça, derrière, on oublie toutes les fatigues, toutes ces, ça, j'imagine. Toutes ces choses en amont. Quoi. J'imagine. Mais en tout cas, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour nous parler de cet animal qui est le lévrier, et puis de toute sa condition, de toute sa situation actuelle, mais aussi dans l'histoire avec vous. On fait un pas dans l'histoire en plus, c'est génial. Avant de continuer cette émission, on va se lancer dans notre deuxième bulle de son avec cette fois-ci Medieval Anthem pour retracer un petit peu justement son histoire. On écoute ça et on se retrouve juste après. Et voilà pour cette petite partie de l'histoire avec ce son médiéval, histoire eh bien, de se mettre un petit peu dans la peau du lévrier aujourd'hui. Alors on vient de parler de la situation du lévrier à l'heure actuelle et de tout ce qui est fait pour leur venir en aide. Donc une des principales choses à faire, c'est de les ramener vers ici en France. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, par ici c'est Pont-à-Mousson. Une fois que ces chiens sont arrivés ici, une famille leur est déjà trouvée. Comment ça se passe ? Oui, il n'y a pas de remontée de lévrier, en tout cas en ce qui concerne notre association, sans qu'il y ait une solution d'accueil ou d'adoption. D'accord. Donc il y a tout un travail en amont. Et oui. Les personnes qui ont appris donc cette maltraitance ou qui d'emblée vont vers une adoption d'un lévrier. Donc, vont nous contacter par notre site, par Internet, par téléphone, ou directement par les délégués de région, parce que on nous a vus sur une fête, on nous a vus sur une sortie, on nous a rencontrés en ville. Petite anecdote par rapport à Épinal, où on va souvent au marché le samedi matin. il nous faut 1h30 pour traverser le marché. Ah bah oui. Voilà. la personne prend contact. On va déjà poser 3 questions indispensable, existentiel, c'est le temps que vous allez pouvoir consacrer quotidiennement à votre chien, oui. Le nombre d'heures d'absence que vous avez, donc par rapport à votre travail, et troisième chose importante, c'est avez-vous la sécurisation totale des espaces, que vous soyez en appartement ou si vous disposez d'un terrain privé. D'accord. Voilà. Donc, le nombre d'heures d'absence, il ne faut pas que ça excède 7 heures par jour, oui. C'est déjà pas mal. Oui. Le temps que vous allez consacrer à votre chien, comme tout animal, c'est pouvoir le sortir au minimum 1 heure par jour. Oui, oui. Hein, voilà. Alors, juste petit aparté, on pense souvent que le lévrier a besoin d'hectares de terrain pour se défouler. Oui. Non, une balade olfactive, elle est tout aussi importante que d'avoir des hectares de terrain. Donc derrière, c'est tout le travail en amont pour nous, c'est de trouver celui ou celle, Galgo ou Galga. Alors pourquoi ce nom ? Oui, je ne l'ai pas dit dans la présentation. Pourquoi Galgo ? Parce que ça vient de Galguero. Galguero veut dire chasseur en espagnol. Hein. Okay. Voilà. Donc une fois que ces 3 réponses sont positives ou demandent un aménagement de terrain, parce qu'une clôture va être trop basse ou tout ça. Et oui. On demande 1m50, hein, parce qu'en dessous d'1m50... Il saute. Ouais, voilà, c'est incroyable les performances que peuvent avoir les lévriers. J'imagine. Voilà, et notamment, autre type de lévrier dont on n'a pas parlé, mais il faut aussi mettre l'accent, c'est le podenco. Le podenco qui lui, est un ressort, quoi. C'est une pile électrique, quoi. Même sans élan, il vous franchit des hauteurs pas possible. Oui. Donc voilà pourquoi il va falloir prendre toutes ces précautions et sécuriser donc, les maisons, les appartements. Voilà. Donc, les personnes ont répondu favorablement. On va se rendre à leur domicile parce qu'il n'y a pas d'adoption sans de visite du domicile. Bien sûr. Alors, c'est pas du voyeurisme. Hein. C'est simplement pour discuter ensemble personnellement, je vais passer minimum 4 heures avec les personnes. Ah oui. Et c'est toute la famille qui est présente, parce D'accord. qu'une adoption, c'est pas monsieur ou madame, c'est bien une décision familiale. Oui, oui. Hein, parce qu'autrement, s'il y en a un qui est contre, un jour ou l'autre, il dira « tu m'embêtes avec ton chien ». Oui, oui. Voilà. Donc, donc, on va remplir un formulaire de demande d'adoption, c'est-à-dire D'accord. qu'on n'a encore pas dit oui au niveau de l'adoption. Oui. Et puis, en fonction du rapport qui va être fait, de ce qui a été constaté, nous sommes 5 personnes dans l'association à décider de si oui, l'adoption est faisable ou pas, ou si elle est faisable avec un aménagement. D'accord. Alors c'est très rare hein, qu'une adoption soit refusée, parce qu'on trouve toujours une solution. Oui. Et c'est pas pour la gloire que je vais vous dire ça, mais sur les 80 lévriers que j'ai fait adopter, jamais aucun retour, jamais de fugue, jamais de choses comme ça. Quoi. D'accord. Voilà, donc juste une fois à l'arrivée, une chienne est partie quelques heures, mais d'emblée, elle est revenue vers sa nouvelle maison. Comme quoi, le chien a quand même de l'instinct. Voilà. Donc, on va se revoir après donc, pour le choix du chien ou de la chienne. Oui. Et ça va être en fonction, où vous habitez. Avez-vous les capacités physiques nécessaires? Avez-vous beaucoup d'absence? Avez-vous déjà eu des lévriers? Accepteriez-vous un chien traumatisé? D'accord. Hein, voilà. Et tout ça, après, on va établir une pré-liste de 5 lévriers. D'accord. Donc, les gens auront vu sur le site, ils auront vu parce qu'ils sont en accueil dans la région. Et pourquoi pas un seul? Parce qu'il ne faut pas faire une fixation sur un seul chien. D'accord. Déjà, l'action, c'est de sauver un animal. Ce n'est pas de dire j'en veux un comme ci, comme ça. Parce que, comme je dis toujours, ce n'est pas le catalogue de la redoute. Bah non. Et un jour, on nous demandera des lévriers roses à pois bleus, si ça continue. Voilà, donc on part complètement, on sort de l'action. De cette société de consommation. Voilà. Donc après, une fois que le galgo ou la galga ou le podenco a été retenu, a été choisi, donc on va dire à notre refuge partenaire, vous allez préparer le chien. Donc ça, c'est la deuxième étape. Préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que systématiquement, mâle comme femelle, ils vont être stérilisés. D'accord. Parce que pas de reproduction sauvage, pas de reproduction accidentelle. Oui. Et puis il y a assez de chiens en France. La SPA pourrait râler, pardon mon expression, c'est vrai qu'il y a assez de chiens malheureux en France c'est aussi. Vrai. Et le lévrier ne va remonter que s'il y a une solution ferme et définitive d'adoption. Voilà, donc une fois cette stérilisation, la pose de la puce électronique, les papiers européens, le carnet de santé, de vaccination, tout ça à jour, donc va être organisé le transport, le voyage. Et après, l'apport donc jusqu'au domicile des personnes. Pour la grande rencontre. Pour la grande rencontre, voilà. Et troisième partie, donc non des moindres, ce que nous proposons donc avec les amis des lévriers, hein, on change de casquette, de la partie adoption à la partie animation, soutien et tout ça. Donc, il va être proposé, et c'est facultatif aux adoptants, de rejoindre l'association Les Amis des Lévriers, en leur proposant toutes ces animations, toutes ces sorties, toutes ces balades, ces conférences, c'est chouette. Animations de fête. Une pierre de plus à l'édifice pour ces adoptants, en tout cas, c'est une option. Justement, est-ce que parfois les lévriers reviennent traumatisés pour certains? Est-ce que c'est facile d'adopter un chien qui s'est fait maltraiter comme ça? Oui, donc la maltraitance ou les abandons, c'est sûr que ça va laisser des traces chez le chien. Alors là, on va dire qu'il n'y a pas de science exacte. Oui. Il y a des chiens qui vont arriver, ils vont vous faire la fête, ils vont remuer la queue, c'est comme s'ils vous connaissaient depuis toujours. D'accord. Donc ceux-là, vous êtes sûr, c'est OK, il n'y aura jamais de problème. Oui. Voilà. Et puis vous avez celui qui va être apeuré par une voix forte, par un chapeau, par une canne, par un balai. Oui. Parce que ça lui rappelle le galguero, ça lui rappelle la maltraitance. D'accord. Donc il va être quand même toujours méfiant. Le premier contact, la première approche, elle est quand même assez difficile. Donc là, c'est tout notre travail aussi, pour quand on fait un placement, c'est de voir à qui on a affaire. Est-ce que les gens ont l'habitude d'avoir des chiens? Est-ce qu'ils ont l'habitude d'avoir des lévriers? Est-ce qu'ils accepteraient un chien traumatisé? Oui. Donc traumatisme, oui, certains chiens, il va falloir des fois jusqu'à un an avant qu'ils reprennent confiance. Donc c'est pour ça qu'il va falloir observer toutes les règles de sécurité. Et ça fait partie des documents adoption. Parce que c'est pas simplement vous nous adoptez un lévrier, c'est bien, merci, au revoir, oui, vous n'avez oui. plus de nouvelles. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Une bonne adoption réussie, c'est déjà être sûr que le chien va être bien, que ça va bien se passer. Et donc là, on va donner tout un dossier sur l'éducation. Sur le comportement, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, parce que vous savez, on a beaucoup de mauvaises habitudes, beaucoup d'a priori. Voilà. Donc, l'alimentation, très important. Je ne vais pas citer de marque, c'est pas l'objet de cette émission aujourd'hui, mais les grandes marques ne sont pas exemptes au niveau de la qualité de ce qu'ils mettent dans leur croquette, notamment du maïs. Il faut bannir complètement le maïs de l'alimentation, pas seulement du lévrier, mais des chiens en général. D'accord. Alors pourquoi le maïs? Parce que ça coûte pas cher et que ça donne une impression de satiété, parce que ça va gonfler dans l'estomac. Mais avec le recul que nous avons maintenant, et les vétérinaires vous le diront, maïs, c'est cancer assuré. Aïe. Voilà. Et il y a une recrudescence de cancer chez les chiens. Alors, si je peux donner un conseil à nos auditeurs, c'est de regarder leur sac de croquettes. Oui. Pourquoi croquettes ? Parce que bah, y a rien de mieux au niveau de l'équilibre. Oui. Donc, c'est de regarder la composition. Et un fabricant va être obligé de mettre par ordre d'importance tout ce qui va rentrer dans la composition. D'accord. De la croquette. Et quand vous voyez du sous-produit animal, du sous-produit végétal, toutes ces céréales dont on ne sait pas si c'est du transgénique ou pas, alors on est pour, on est contre, mais voilà, donc préférez ce que l'on appelle le sans céréales, le grain free, et c'est pas plus cher et c'est de meilleure qualité. Un très bon conseil aujourd'hui. Concernant justement le comportement de ces lévriers, on dit parfois que c'est un chien-chat. C'est un chien-chat, tout à fait, vous êtes bien renseigné. Oui. C'est tout à fait un chien-chat. Tout à fait un chien-chat parce que dans son comportement, c'est comme je veux, quand je veux. D'accord. Voilà. Donc, il arrive chez vous, il fait le tour du propriétaire, il fait le tour de votre terrain parce que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, comme on dit. Donc, voilà, par où je vais pouvoir partir. Et puis, il va s'approprier petit à petit son nouvel environnement. Parce que s'ils ne peuvent pas oublier leur passé, ils se font très bien à leur nouvelle vie. Ils sont très adaptables. Voilà, suffit d'aller sur Internet, de regarder 10 photos de lévrier, vous en verrez 9, les 4 pattes en l'air, sur un divan. Voilà. Donc ça, il va vous le squatter. Alors les personnes qui disent « Non, il n'aura pas le droit de monter. » Oui, quand vous ne serez pas là, vous êtes sûr que le lévrier va rester au pied du divan ? Ça m'étonnerait. Voilà, donc, chien-chat, parce que... il a du rappel à condition qu'il n'y ait pas un petit gibier ou quelque chose qui l'attire. Parce que le moindre écureuil, l'oiseau dans la cour ou le chat. Alors le chat, ça. Quand on me dit, il y a des lévriers qui sont compatibles avec les chats. Alors ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Un lévrier n'est pas compatible avec les chats. Il va tolérer le chat. Il va le tolérer chez vous parce que c'est votre chat. Mais ce même chat à l'extérieur devient le leur après lequel il faut partir. Quoi. D'accord, voilà. Ok. Voilà. Ça reste l'instinct chasseur. Ah, l'instinct de chasse, il est là, ouais. Ouais. Alors, on va encore en savoir plus sur les Amis des Lévriers, cette association que vous représentez aujourd'hui, Patrick, car elle propose plein d'animations, elle met en place plein d'animations. Avant cela, on se lance dans notre troisième bulle de son pour cette fois-ci Respect par les Blues Brothers. Alors, je n'ai pas choisi ce son au hasard. Respect pour tout ce que ça représente. Hein. On respecte notre mère nature, tous ces animaux avec lesquels nous partageons cette planète, et puis on se respecte entre nous, ça fait du bien. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. I Nous sommes toujours ensemble dans la bulle, vous êtes bien sûr Radio Guémozo et avec nous aujourd'hui eh bien Patrick de l'association Les Amis des Lévriers, hein, comme vous avez bien compris depuis le début de cette émission, qui est venu nous parler eh bien de cet animal quand même exceptionnel, hein, avec son, vraiment son histoire dans l'histoire justement. Là on parlait eh bien de cette période où il aura une seconde chance, hein, grâce à vous et puis aux personnes qui auront envie de leur venir en aide, par exemple en les adoptant. Alors, quel est le comportement du lévrier une fois arrivé à la maison? Alors, le lévrier va tout de suite chercher à s'approprier son nouvel environnement. On dit toujours, on n'adopte pas un lévrier, c'est lui qui nous adopte. D'accord. Et par la suite, on se rend compte que, oui, ben, on habite chez nos chiens. D'accord. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, il va faire le tour du propriétaire, comme on dit. Il va tourner, il va chercher, il va regarder par où il va partir. Voilà, parce que ben, c'est son instinct, faut qu'il aille voir ailleurs. Et puis, ben, oh, il va repérer un lit, il va repérer un coussin, il va repérer une banquette, et là ça devient son domaine, et son instinct de propriété va faire que c'est mon coussin, c'est mon lit, c'est ma voiture, c'est d'accord. ma banquette. Donc voilà, il s'approprie ça. D'ailleurs, il va vous tester en permanence. D'accord. C'est un chien qui, si vous lui laissez pas la bride sur le collier, comme on dit, hein, sans maltraitance, bien entendu. Oui, oui. Il va toujours vous tester. D'accord. Voilà, il essaie de savoir jusqu'où on peut aller. Jusqu'où on peut aller. Alors, une fois qu'il a adopté, qu'il vous a adopté, là, ça devient la crème. Ça devient le chien qui va se coller à vous, qui va être vraiment un pot de colle. Autant au départ, il a été assez craintif, oui. assez réticent. Qu'une fois qu'il vous fait confiance, d'ailleurs c'est ça, hein, le rapport, c'est vous le faites confiance, il vous fait confiance. D'accord. Il faut pas le surprotéger, c'est une erreur. Toutes les personnes qui vont avoir peur que le chien fugue et vont pratiquer la double peine, je dis pour le lévrier, c'est-à-dire lui mettre un harnais plus un collier. D'accord. Et puis deux laisses, et puis ne jamais le lâcher. Alors je vais peut-être heurter certains, parce que je sais qu'il y a des associations qui sont contre cette pratique, oui. mais lâchez vos lévriers, bon sang. D'accord. Bien sûr, dans des coins sécurisés au oui, départ, oui. et une fois que ce rapport de confiance mutuelle aura été établi, il n'y aura pas de problème. Un lévrier fonctionne avec un cercle de sécurité autour de vous. C'est-à-dire qu'il va tisser lui-même ce cercle. Oui. C'est pas la peine de l'appeler. C'est pas la peine de courir après. Plus vous allez courir après, plus il va partir loin. Bah oui. Il suffit de lui tourner le dos, de revenir. Et puis, de toute façon, si un lévrier se perd, ce qui arrive très rarement, il va revenir à la voiture, il va revenir à la maison. D'accord. Voilà, donc voilà, on lui fait voilà. confiance. Tous ceux qui ont des lévriers qui fuguent, malheureusement, ça existe. C'est parce qu'ils n'ont pas respecté les consignes que l'on donne aux personnes au départ. Oui. Et puis, alors, une chose. Alors là, je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, hein, ben, et moi, mais de les confronter, enfin, si c'est pas une confrontation, c'est pas le mot exact, mais de les mettre en contact avec d'autres lévriers sur des endroits sécurisés. Mais c'est incroyable comment ils vont évoluer. On a des exemples flagrants où des lévriers traumatisés sont arrivés. La première chose qu'ils faisaient quand ils sortaient, c'est aller se cacher sous les voitures, en stationnement. Une peur, panique. Oui. Aujourd'hui, je peux vous dire que ce chien-là, que nous avons eu personnellement en accueil, un jour, on a senti qu'il était prêt pour être lâché. Aujourd'hui, il est adopté en Alsace. L'adoptant dit c'est merveilleux, quoi. C'est super. C'est pas le chien qu'on a eu au départ. Et à l'inverse, des personnes qui, encore aujourd'hui, malgré nos conseils, vont surprotéger leur chien. Ben là, ça se passe mal, le chien n'évolue pas. Oui, oui, il stagne. Donc l'éducation du chien, c'est avant tout l'éducation du maître. Ah bah ça c'est bien dit. Du coup, on peut, eh bien, par exemple, on va faire une petite, un petit parallèle. Une fois qu'on a adopté ces fameux lévriers, on peut, eh bien, participer aux animations que l'association Les Amis des Lévriers propose, parce que, eh bien, avec cette association, bien sûr, ce sont les lévriers qui sont mis à l'honneur, et ce sont les lévriers que l'on rencontre, hein, et du coup, eux se rencontrent rencontrent aussi entre eux, ces animaux, et ça, c'est chouette. Voilà, donc le plaisir du chien, le plaisir du maître à se retrouver, hein, puisque les personnes n'hésitent pas à faire des centaines de kilomètres pour venir, ne serait-ce que pour des journées d'entraînement. Hein. D'accord. Donc, nous disposons d'un terrain à Épinal, l'ancien terrain militaire de la Mouche. Donc, merci encore à la municipalité et à l'armée pour le prêt de ce terrain qui est entièrement sécurisé. Qui se trouve à 900 mètres de la première maison, donc pas de nuisance. Pas de problème. Donc, là, on va s'y retrouver deux fois par mois. Oui. On va proposer aussi aux communes ou aux associations de faire des conférences, donc partie lévrier dans toute sa splendeur, et puis partie maltraitance, parce qu'on a souhaité différencier ces deux présentations, parce qu'on ne veut pas heurter non plus les plus sensibles. Oui, c'est sûr. C'est pas du voyeurisme, c'est de l'information, on va dire. C'est de la sensibilisation. Et puis donc, férus d'histoire pour la plupart, donc après toutes ces recherches, ces expositions donc, que nous proposons, eh ben, pourquoi pas le faire dans un cadre d'une fête médiévale. Et oui. Alors, si le Renaissance en France marche mal, le médiéval plaît énormément. Parce que les enfants, les chevaliers, les combats, c'est de vie à l'époque médiévale, les costumes et tout. Donc, donc on s'est rapproché d'une association qui a créé un site, Adagio Line, qui va recenser donc, toutes les fêtes médiévales en France, mais également dans les pays limitrophes. Donc c'est une source d'information pour nous, puisque nous allons contacter derrière ces organisateurs en les convainquant d'accepter notre présence. Encore une fois de plus, ce n'est pas de la maltraitance, parce que nous avons eu aussi à subir les affres de certaines personnes qui, croyant bien faire, ont critiqué notre présence, soi-disant qu'on maltraitait nos chiens. D'accord. Chers auditeurs, vous ne pouvez pas voir nos chiens à la radio, mais je peux vous dire que si tous les chiens étaient malheureux comme les nôtres, ce serait le bonheur. Donc, ces fêtes médiévales, dans l'est de la France, par exemple, il y a à peu près une cinquantaine de fêtes, 53 exactement, et que nous allons systématiquement contacter. Alors maintenant, organiser une fête médiévale, ça a un coût, ça a énormément de travail, et pour avoir différentes troupes, il faut s'y prendre plusieurs années à l'avance. D'accord. Donc en ce qui nous concerne, nous participons, parce que il n'y a pas que ça dans la vie, comme on dit, hein, on va faire entre 8 et 10 fêtes médiévales tout au long de l'année. On va commencer vers mars-avril pour terminer vers octobre. Et ça, c'est chouette. Et après, on va enchaîner les marchés de Noël. D'accord. Et ça, là, c'est l'occasion de pouvoir bien rencontrer les gens, que les gens viennent à votre rencontre, et cette fois-ci de les sensibiliser et puis de leur expliquer un petit peu les choses. Oui, sensibiliser, oui, parce que hormis le fait de la passion de l'époque médiévale, c'est aussi pour parler du lévrier. Et alors par contre, souvent on nous dit, ah oui, c'est bien, on vous contactera, on fera une adoption, tout ça, hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Moi, je ne suis pas du genre à dire, vous voulez un chien, oui, vous repartez avec tout de suite. Non, ça, c'est pas ça, une adoption. Non, ça, on a vu ça. Ça doit être mûrement réfléchi. Voilà, donc on va reprendre contact. Alors, c'est vrai que grâce à la participation à ces fêtes médiévales, on va dire 40 à 50% des adoptions sont dues justement à ces fêtes médiévales. Okay. Comme quoi, l'utile à l'agréable. Eh bien, oui, ça c'est chouette. Et puis en plus, on a la chance de vous voir en costume. Voilà, parce que... Alors pareil, y a des couturiers et le président que je suis, ça va peut-être étonner certaines, j'adore coudre à la machine. C'est chouette. Donc voilà, donc quand nous avons participé, par exemple, l'année dernière à la Saint-Nicolas d'Épinal, hein, où il y avait 32 lévriers, hein, c'était chouette. Donc on le refait cette année. Tous ces costumes, pour la plupart, ont été faits par les bénévoles. Ah, ça, c'est bien. À travers ces fêtes médiévales, on peut retrouver avec vous certaines anecdotes du lévrier dans l'histoire. Oui, alors par rapport aux ecclésiastiques qui avaient voulu faire disparaître le lévrier et qui l'ont réintroduit. Le lévrier, on doit beaucoup à Anne de Bretagne. D'accord. Anne de Bretagne qui a été la première reine à accepter des lévriers sur sa couche. D'accord. certains rois qui employaient des valets rien que pour s'occuper de leurs chiens. Ah oui. On a retrouvé des documents où des sommes phénoménales étaient investies en colliers, en laisse, rien que pour les lévriers. Oui. Voilà. Et puis une anecdote qui est devenue, on va dire, une légende, et derrière la légende, il y a toujours des parts de vérité. C'est la reconnaissance du lévrier comme étant le saint protecteur des enfants. D'accord. Alors l'histoire dit que en 1400, dans la région des Dombes, près de Grenoble, un seigneur part à la chasse. Il n'emmène pas son lévrier, il en avait d'autres certainement. Et quand il rentre, il voit le berceau de son enfant ensanglanté. Aïe. Aïe. Alors tout de suite le réflexe. Le lévrier a tué mon bébé. Oui. Donc il prend son glaive, prend son épée, il pourfend son lévrier. D'accord. Voilà. Et puis il s'approche du berceau, et non, erreur, ce n'était pas le lévrier qui avait essayé de tuer l'enfant, mais il a tué un serpent qui s'était introduit dans le berceau. Wow. Donc ce seigneur, pris de remords, ah ben oui, dit il faut que je fasse quelque chose, je dois me repentir. Donc il a un grand puits à côté de son château. Il va y mettre le lévrier et construire dessus un mausolée. D'accord. Ça devient un sanctuaire, c'est en l'honneur du lévrier. Alors quand je disais que les légendes ont une part d'histoire, une part de vérité, c'est que même encore avant la dernière guerre mondiale, des femmes apportaient leurs bébés près de ce mausolée, les récupéraient le matin, guéris. Voilà, donc cette légende est née comme quoi le lévrier était un saint protecteur des enfants. Wow. Donc il s'appelle Saint Guinefort. D'accord. Guinefort, c'est le nom du Seigneur. Eh ben dis donc, on en saura beaucoup avec vous aujourd'hui, hein. On fait vraiment un plongeon dans la culture et dans l'histoire du lévrier. Ça, c'est vraiment chouette, c'est très très complet, hein, tout ça. Très complet, donc suffit de voir sur une de nos expositions, donc tous les documents donc qui retracent tous ces faits historiques, hein. Comme quoi les lévriers, parce que c'est du chien de meute, ont sauvé la ville de Bordeaux en 1595, parce que tous les gens étaient assassinés, les chiens également, et cette cohésion entre les lévriers ont fait qu'ils ont défendu la ville contre les pillards et également contre les loups. D'accord. Voilà, donc c'est l'histoire est faite de plein d'anecdotes avec les lévriers. Et ben voilà, si vous voulez en savoir plus sur toutes les anecdotes, l'histoire de nos chers amis les lévriers, et bien vous pourrez retrouver peut-être Patrick et toute son équipe au sein de certaines fêtes. On se retrouve où pour la prochaine fois là? Alors donc, je vous disais que nous avions en moyenne 8 à 10 sorties chaque année. Oui. Donc là, la prochaine, ça va se faire ce week-end. Hein. D'accord. Nous serons donc à Tannes, fête médiévale de Tannes, autour de la collégiale. D'accord. Et là, nous disposerons d'un terrain, bon, certes à minima, mais nous pourrons quand même faire des démonstrations de courses. Nous ferons des présentations historiques, présentations des lévriers. Hein. Les défilés sont en costume, bien sûr, et les lévriers eux-mêmes sont habillés de chasubles blasonnées. D'accord. Voilà, donc ça aussi, c'est très visuel. Oui. Et puis, donc, par la suite, au mois d'août, alors là, c'est l'intensif, puisque ouais, nous avons trois fêtes coup sur coup. Le premier week-end, nous serons à l'abbaye cistercienne de Neuvelle-lès-la-Charité. Oui, nom bizarre, mais c'est comme ça. C'est à une trentaine de kilomètres après Vesoul. D'accord. Hein, voilà, donc là, nous sommes organisateurs, nous faisons des journées rencontres autour de l'animal. C'est-à-dire que toutes les associations qui, de près ou de loin, ont un rapport avec l'animal, vont pouvoir tenir stand et expliquer au public ce qu'est notre mission, ce qu'est notre action. Alors très éclectique, hein, puisqu'il y aura aussi bien des poneys que des chauves-souris, que des abeilles, que des moutons, que des lévriers. Ok, enfin, voilà. Super, voilà, en pleine cohabitation. Après, la semaine d'après, donc nous serons à... Je fais ma publicité. Ah bah, pas de souci, allez-y. Hein, donc nous serons à Granges-sur-Vologne. Oui. Donc là, on reste sur les Vosges, hein, donc avec une animation le dimanche. Et puis là, nous disposerons du terrain municipal. D'accord. Donc là, ce sera très visuel au niveau des démonstrations de course, hein, je le répète, hein, 10 à 15 mètres secondes, hein, pour éveiller. Et la semaine d'après, là, nous partons vers le Jura. Nous serons à Montrond. Montrond, c'est à côté de Arbois. D'accord. Pour également une fête médiévale. Donc, quatre rendez-vous, là, très, très, très bien. Imminent. On va reprendre toutes ces informations juste après cette émission avec vous. Comme ça, on pourra noter tout ça pour nos auditeurs avec le podcast de cette émission. Oui. En tout cas, c'était super cette émission ensemble. Est-ce que vous aviez encore un mot à nous dire peut-être? Non, je crois qu'on a fait le tour. On a parlé de ce merveilleux toutou, ce merveilleux fils du vent, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire, de comment faire pour adopter. Alors, le contact, il est simple. Hein. L'adresse, c'est facile à retenir. Hein. C'est les amis des lévriers. Ah, @.fr, voilà. Ça c'est le site, et sfr.fr pour l'adresse mail. Voilà, oui. Donc il suffit de nous contacter. Alors, on nous demande parfois comment on peut aider l'association, est-ce qu'on peut être bénévole de votre association? Oui, bien entendu, on a toujours besoin de bras, notamment quand on fait des fêtes médiévales, parce que ça demande énormément de matériel à transporter, à installer. On aimerait bien, alors là je lance un appel, aimerait bien trouver des personnes qui souhaiteraient nous aider en tenant une boutique. Ah, d'accord. Voilà. Où alors? Alors, sur nos sorties, sur nos fêtes, là où les personnes s'occuperaient d'installer le stand, d'installer le matériel, faire de la vente de produits qui ont été réalisés par nos bénévoles. D'accord. Hein, bien sûr, au bénéfice des, des toutous, bien entendu. Ça, c'est sûr. Voilà. Cet appel est entendu. Voilà. Donc, lesamisdeslevriers@sfr.fr, suffit de laisser un message, mail. On récupère donc comme ça votre adresse mail et on vous recontacte donc pour discuter avec vous de quel pourra être votre engagement. Et super. Et c'est également valable pour proposer d'être famille d'accueil, parce qu'on a parlé d'adoption, on peut être également famille d'accueil pour l'association, hein, c'est-à-dire qu'on vous confie un chien en attendant qu'il soit adopté. Alors bien sûr, hein, on sait que derrière, 90% des familles d'accueil craquent et gardent le chien. D'accord. Mais bon, ça fait toujours un de plus de sauver. Ça c'est sûr. Ouais. Super Patrick, en tout cas, on va reprendre toutes ces informations pour nos auditeurs et puis on les mettra en lien avec le podcast de cette émission qui sera présente sur notre page Facebook, mais aussi sur notre site internet. Et puis, comme tous les jours, hein, pour les couches tard, cette émission sera rediffusée ce soir à minuit. Voilà, merci beaucoup Patrick encore de votre venue ici dans la bulle pour ce sujet très très intéressant. On aurait pu faire 1, 2, 3, 4 émissions hein, sans problème. On se retrouvera très bientôt sur les futurs événements que vous allez proposer. Avec plaisir. Merci beaucoup encore. C'est moi qui vous remercie. Donc merci la station. Je vous remercie Lia pour votre accueil. Et puis chers auditeurs, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là à votre disposition. Un renseignement n'est pas un engagement. C'est chouette. Merci. Voilà. Un renseignement n'est pas un engagement. Ça, c'est bien dit à chacun, en tout cas, de toutes les personnes qui sont près de vous. On tire notre chapeau. Une très, très belle route à vous tous. Nous, on se retrouve demain. Et puis, n'oubliez pas, comme tous les jours, hein, c'est bonheur, joie et rire à tous. Weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young, and you hella grown.